بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue donc le cours du Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymeen dans son Sharh d'Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'ah. Et on explique, comme vous savez, dans ce livre-là, les six piliers de la foi, Arkan al-Iman al-Sitta. Et on est arrivé maintenant à l'Iman bil-Yawm al-Akhir, la foi en le jour dernier. Et on est arrivé parmi les choses qui ont rapport avec la foi en le jour dernier, l'Iman bil-Mizan, ou l'Mawazin. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, « وَنُؤْمِنُ بِالْمَوَازِينَ تُوضَعَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا » Donc, il dit, « Et nous croyons que les balances seront placées au jour de la résurrection. Et aucune âme ne sera lésée en quoi que ce soit. » Allah ne va pas faire aucune injustice à personne. Et il explique ça en disant, قَوْلُهُ وَنُؤْمِنُ بِالْمَوَازِينَ توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا الموازين جمع ميزان والموازين ذكرت في الكتاب والسنة مرة بالجمع ومرة بالإفراد فقال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان والجمع بينهما يسير جدا وهو أن الموازين جمعت إما لكثرة ما يوزن بها وإما لكثرتها باعتبار الأشخاص كل إنسان له ميزان وإما باعتبار الأمم فأما الأفراد أو وأما الإفراد فهو مفرد يراد به العموم لأنه للجنس ثم donc ok donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection il va peser nos œuvres, il va peser nos œuvres et c'est sur les balances. Et le terme qui est employé pour la balance en arabe c'est al-mizan. Al-mizan c'est le singulier, al-mufrad, et le pluriel c'est al-mawazin. Al-mawazin. Donc ça c'est un jam'u taksir, jam'u taksir comme on l'a vu dans le cours. Et le cheikh explique que on trouve que dans certains versets ou dans certains hadiths, on mentionne le terme mizan au singulier et parfois on le mentionne au pluriel. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc dans le verset par exemple 47 dans sourate Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah, et on va placer les balances de la justice au jour de la résurrection. Et il dit dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu qu'il y a deux paroles qui sont aimées de Ar-Rahman qui sont légères sur la langue et qui sont lourdes dans la balance. Et ces deux paroles, c'est Subhanallah wa bihamdik, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Donc, ça, c'est un exemple que ici, Al-Mizan, dans le hadith, est mentionné au singulier, dans le verset, c'est mentionné au pluriel. Comment on peut réunir ces deux textes-là? Dans le sens que pourquoi parfois c'est pluriel, pourquoi des fois c'est mentionné au singulier? Et il dit, le cher, c'est très simple en réalité, c'est parce que soit qu'on mentionne al-mawazin au pluriel à cause de la quantité des choses qui vont être pesées, et ou bien c'est à cause de la quantité des personnes qui vont être pesées elles-mêmes, parce que chaque personne a sa balance, ou bien par rapport aux nations, ou bien les différentes balances qui vont être placées pour chaque nation. Et il dit « Wa amma al-ifrad fa huwa mufradun » Donc, en ce qui concerne le singulier, eh bien, c'est singulier dans le sens général. Donc, c'est pas, c'est-à-dire c'est un singulier, mais dans le sens général. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'une seule, mais c'est la balance en voulant dire, il y en a de façon générale, il y aura il y en a la balance qui va être établie. Même s'il y en a plusieurs, on peut mentionner ça au pluriel dans le sens général. Après, il dit ثُمَّ مَا الَّذِي يُوزَنُ وَهَلْ يُوزَنُ الْعَمَلْ أَوْ الْعَامِلْ أَوْ تُوزَنُ الصَّحَائِفِ الجواب كل هذا ورد. فورد ما يدل على أن الذي يوزن العامل وذلك فيما صح في قصة ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج يمشي ذات يوم وكانت الريح شديدة فجعلت تكفأ ثيابه وكانت ساقاه دقيقتين فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما في الميزان مثل جبل أحد فهذا يدل على أن الذي يوزن العامل وربما يستدل له بقوله تعالى فلا نقيم له يوم القيامة وزنا على أن في الآية معنى آخر وهو أن لا نقيم لهم وزنا يعني ليسوا عندنا بشيء ولا نعتبرهم شيئا. Donc la question c'est est-ce que ce qui va être pesé au jour de la résurrection dans la balance c'est les actions ou la personne qui a fait les actions elle-même ou les livres dans lesquels les œuvres sont écrites. Et le cheikh il répond en disant que tout cela a été rapporté, c'est-à-dire les trois ont été mentionnés dans les textes. La personne qui fait les actions et le livre dans lequel les actions sont écrites. Tout ça sera pesé. Et il dit, comme par exemple le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud qui rapporte qu'une fois, Abdullah ibn Mas'ud, il marchait, puis le vent faisait paraître ses jambes parce que ça soulevait son vêtement, puis on voyait qu'il avait des jambes très très fines. Hein? Alors, le prophète a mentionné qu'elles seront plus lourdes dans la balance que la montagne de Uhud. Hein? Et ça, c'est rapporté par l'imam Ahmad. C'est un hadith de Ali ibn Abi Talib, également de Abdullah ibn Mas'ud. Donc, c'est pour dire que la personne va être pesée au jour de la résurrection. Et on peut également utiliser comme preuve à ce sujet-là le verset 105 dans Surat Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Hein, au jour de la résurrection, on ne leur donnera aucun poids. Ils n'auront aucun poids ce jour-là. Dans le sens que la personne n'aura aucune importance et elle ne sera pas considérée. Elle n'aura pas de poids au jour de la résurrection. Et comme c'est mentionné aussi, des fois les ulama ils mentionnent un autre hadith qui dit on va ramener au jour de la résurrection une personne dont le poids sera très grand, hein, quelqu'un qui est très lourd physiquement, puis quand on le placera dans la balance, il ne va même pas peser l'aile d'une mouche ou l'aile d'un moustique. Donc ça veut dire que le poids de la personne au jour de la résurrection, ce ne sera pas un poids qui est déterminé par sa masse physique, mais plutôt par sa foi, hein, par sa foi. Et le cheikh il dit ensuite wa amma anna alladhi yuzanu al-amal fa fiha hadhihi al-ayat allati saqaha al-mu'allif qala ta'ala faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara idhan alladhi yuzan huwa al-amal wa qala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim annahuma thaqilatan fi al-mizan fa idha kana alladhi yuzanu al-amal ففي ذلك إشكال وهو أن العمل معنى من المعاني وليس جسما يوزن فكيف يكون ذلك الجواب عن ذلك أن يقال إن الله تعالى يجعل لهذه المعاني أجساما كما أنه تعالى يجعل الموت وهو معنى في صورة كبش وهو جسم والله على كل شيء قدير فهو قادر على أن يجعل هذه المعاني أجساما مشهودة مرئية. Donc le cheikh explique que également il y a dans les textes la mention que les œuvres seront pesées, hein? Et par exemple le verset 7 et 8 dans sourate Al-Zalzala, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que quiconque a fait le poids d'un atome de bien le verra. Et quiconque a fait le poids d'un atome de mal le verra. Et donc, ça veut dire que ce qui va être pesé, hein, également, sont les actions de la personne. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à propos des paroles, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, qu'elles sont lourdes dans la balance. Donc, ça prouve que les paroles qu'on dit seront également pesées. Et le cheikh, il dit, donc, si les actions et les paroles sont pesées, ça peut causer un problème. Dans le sens que ce sont des choses abstraites. Hein? Les actions qu'on a faites et les paroles qu'on a dites sont des choses qui sont abstraites. Hein? Comment peut-on peser ce genre de choses? Hein? Parce que ce n'est pas physique, elles n'ont pas un corps pour qu'on puisse les peser. Alors le cheikh, il répond à ça en disant que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de donner à des choses abstraites un corps physique pour qu'on soit capable de les peser au jour de la résurrection. De la même manière que la mort, qui est une chose abstraite, une chose invisible, et il va ramener la mort au jour de la résurrection sous la forme d'un mouton ou d'un bélier qu'on va égorger. Hein? Et à partir de ce moment-là, on va dire aux gens du paradis, hein, maintenant, il n'y a plus de mort, hein, c'est fini, il n'y aura plus de mort, c'est la vie éternelle. Et on va dire aux gens de l'enfer, il n'y aura plus de mort, maintenant, c'est la vie éternelle. Donc, c'est pour dire que quelque chose qui est abstrait, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui donner un poids et faire en sorte qu'on soit capable de le peser, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir sur toute chose. Effectivement. Mais c'est parce que ça, c'est des questions qui ont été posées par des gens de l'égarement, en particulier les Mu'tazila. Oui. Les Mu'tazila, ils sont toujours en train de ramener les choses à notre dimension, c'est-à-dire aux aspects des choses qui ont rapport avec la dunya. C'est comme le châtiment de la tombe. Ils disent non, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'il y ait un châtiment de la tombe parce que si on creuse dans la tombe de la personne, on voit rien. Hein? On n'a pas vu de feu, on n'a pas vu de choses. Donc, ça veut dire qu'eux, ils disent, ça veut dire qu'il n'y a pas de châtiment de la tombe. Donc, eux, ils se basent sur uniquement qu'est-ce qu'ils peuvent toucher et voir avec leurs cinq sens. Hein? Sauf que l'akhirah et le barzakh, c'est une autre dimension que la dimension actuelle. Et donc, ça touche des réalités qui sont différentes de nos réalités actuelles dans cette vie de la dunya. Exact. الذين يؤمنون بالغيب. Donc celui qui ne croit pas en al-ghayb, il n'est pas vraiment un mu'min. Hein? Donc c'est pour ça. Donc le cheikh, il pose cette question. En réalité, c'est plus pour réfuter en fait ce genre de mentalité-là qui sont arrivées de la part des innovateurs. Yani Allah al-musta'an. C'est des matérialistes en réalité. C'est des rationalistes, matérialistes, et ils renient tout ce qu'ils ne peuvent pas expérimenter avec leurs cinq sens dans cette dunya, ils le nient parce qu'ils n'arrivent pas à le concevoir ou à le comprendre. Ensuite, le cheikh il dit wa amma anna alladhi yuzanu huwa sahaif al-a'mal fadhalika kama fi hadith sahib al-bitaqa alladhi tumadd lahu sijillat 'azima kathira fiha dhunub fa idha ra'a annahu qad halaka qila lahu إن لك عندنا حسنة ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول يا رب ما هذه البطاقة بالنسبة لهذه السجلات فيقال إنك لا تظلم ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فهذا يدل على أن الذي يوزن الصحائف فكيف الجمع لأن هذه أخبار وليست أحكاما حتى نقول إنه يمكن أن ينسخ بعضها بعضا الجمع أن يقال أما بالنسبة للصحائف والأعمال نفسها فلا منافاة إذ يمكن أن تكون الأعمال توزن بالصحائف فإذا ثقل العمل لزم من ذلك ثقل الصحيفة أما بالنسبة للعامل فإنه هو الذي يوزن فربما نقول إن هذا يقع لبعض الناس دون بعض وهذه مسألة ترجع إلى مشيئة الله ليس للعقل فيها تدخل. Donc ici le cheikh explique que également les livres, hein, et les livres des actions des personnes vont eux aussi être pesés. Et parmi les exemples de ça, il y a le hadith de Al-Bitaqa, qui est un hadith célèbre, c'est-à-dire qu'on va ramener ce jour-là des registres avec plein de péchés, hein, 99 registres, 99 recueils de péchés. La hauteur de ces livres dans lesquels il y a les péchés, c'est la hauteur de là où le regard peut aller. Donc, ça veut dire tu regardes jusqu'au ciel, puis tu vois les péchés, les livres sont remplis, hein, jusqu'au ciel. Alors, on va ramener ces livres-là, on va les mettre dans la balance. Et puis, on va lui présenter avec une carte, hein, comme une petite carte. Ça pourrait être une carte comme ça, par exemple. Hein? Une petite carte, juste comme un exemple, on le met sur la balance. Et la personne, elle dit par exemple, mais qu'est-ce que cette carte peut faire, hein, à côté de tous ces livres et ces recueils de péchés remplis, hein, qui sont jusqu'au ciel, hein? Est-ce que cette carte-là pourra faire quelque chose pour moi? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui répond, parce que sur la carte, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit La ilaha illallah. Alors, il dit, oui, tu as une hasana. Et puis on amène cette carte avec La ilaha illallah écrit dessus. Alors il dit, oh mon Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que cette carte-là pourra faire pour moi devant tous ces recueils de péchés? Et on lui dira, aujourd'hui, tu ne seras pas lésé. Donc, on va placer la carte sur la balance et cette carte sera plus lourde que tous ces recueils de péchés. Parce que la valeur de la ilaha illallah, elle n'est pas à négliger. Déjà dans le hadith de Moussa, alayhi salam, lorsqu'il dit à Allah, enseigne-moi une parole par laquelle je vais pouvoir t'invoquer, et que je vais pouvoir me rappeler de toi. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, dis la ilaha illallah, ya Moussa. Alors, il répond, il dit, oui, mais tous tes serviteurs disent la ilaha illallah. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette parole? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, si tu prends les sept cieux et les sept terres, et que tu le mets dans un des plateaux d'une balance, et que tu prends la ilaha illallah et tu mets sur l'autre côté de la balance, la ilaha illallah sera plus lourd que les sept cieux et les sept terres. Donc, ça veut dire que, yani, il ne faut pas sous-estimer la valeur de la ilaha illallah. Bien entendu, ça concerne la personne qui a dit la ilaha illallah et qui a respecté ses conditions. Qui a respecté les conditions et qui a compris sa signification et ce que ça implique et qui l'a mis en pratique. C'est pas seulement celui qui prononce la ilaha illallah sans rien comprendre et sans rien pratiquer. Donc on continue inchallah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc avant la salat on s'est arrêté donc la question du fait de peser les livres, hein, on a mentionné le hadith de Al-Bitaqa. Il dit قوله فلا تظلم نفس شيئا شيئا يعني نكرة في سياق النفي فتعم أي شيء. Donc quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ici donc personne, aucune âme ne sera lésée en quoi que ce soit. Shay'an. Shay'an, comme le Cheikh il le mentionne ici, il dit c'est quelque chose d'indéfini. Et dans le contexte de la négation, quand quelque chose est indéfini, ça veut dire que c'est général. Et donc ça veut dire que ça veut dire n'importe quoi. Hein? C'est-à-dire, il n'y a pas une chose d'injustice qui va toucher une personne. C'est-à-dire, Allah ne va pas léser quiconque en quoi que ce soit. Donc c'est général. Il n'y aura aucune injustice. Peu importe la sorte ou peu importe la quantité. Ensuite, il dit, parmi les versets qui parlent de al-mawazin, c'est-à-dire les balances, il y en a plusieurs, comme le verset 7 et 8 dans Surat al-Zalzala, qu'on a mentionné déjà. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est-à-dire, quiconque fait un atome de bien, il le verra. Et quiconque fait un atome de mal, il le verra. Et le verset ensuite, qui est le verset 102 à 104 dans Surat al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Donc ceux dont les balances seront lourdes en bonnes œuvres, alors ceux-là seront ceux qui ont le succès. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Et ceux dont les balances seront légères en bonne action, alors ceux-là seront ceux qui se seront perdus eux-mêmes, hein, qui seront éternellement dans l'enfer. Et il dit ensuite, تَفْلَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Donc, ce dernier verset-là dans Sourate Al-Mu'minun, je vais juste regarder la traduction pour être certain, pour traduire comme il faut. Donc, on a dit le verset 103 et 104. Oui, le feu brûlera leur visage et ils en auront les lèvres crispées. Hein? Donc, ça, c'est parmi les versets qui mentionnent les balances aussi. Puisqu'on parle de la balance qui sera lourde et la balance qui sera légère. Et il y a aussi le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne, c'est dans Al-Qari'ah aussi. Hein? On parle de la balance aussi. Et ici, il cite le verset 160. Al-Haqqa, non. Oui, c'est ça. Donc, Al-Qari'ah, il y a dedans la mention de la balance. Al-An'am, le verset que le cheikh il sait, c'est le verset 160. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Donc ça, c'est la preuve du fait que Allah ne fera pas d'injustice à personne. Il cite le verset qui dit, et quiconque vient avec la bonne action, alors il aura 10 semblables. Tandis que celui qui vient avec un péché, eh bien, il ne sera rétribué que pour ce péché-là. Hein? Al-An'am, le verset 160. Et ils ne seront point lésés. Ça montre la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on va expliquer tout ça. Le Cheikh Ibn Uthaymin, il a fait des commentaires sur ces versets. Il dit donc par rapport au verset dans Sourate Al-Zalzala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ مِثْقَالُ الذَّرَّةِ يُضْرَبُ مَثَلًا لِلْقِلَّةِ كَمَا فِي قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِقْتَطَعَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا وَذَلِكَ مَنْ يَعْمَلْ دُونَ الذَّرَّةِ فَإِنَّهُ يَرَهُ. Hein, وَمَا دَامَ ذَكَرَ الذَّرَّةِ هُنَا لِبَيَانِ الْقِلَّةِ لِبَيَانِ الْقِلَّةِ فَهُوَ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ وَلَيْسَ عَلَى سَبِيلِ التَّحْدِيدِ. Donc il dit, le cheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, quiconque fait un atome de bien, il le verra, quiconque fait un atome de mal, il le verra. Et il dit que l'atome ici est mentionné comme un exemple pour mentionner ce qui est petit, et non pas pour comme une limite. Ça ne veut pas dire que si tu fais un mal plus petit qu'une atome, ou un bien plus petit qu'un atome, qu'on ne le verra pas. On le verra ça aussi. Hein? Même si c'est plus petit qu'un atome. Mais il a donné ça comme un exemple, hein? Et non pas comme une limite. Il dit, c'est comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Saïd ibn Zayd, radiyallahu anhu, il dit, « Man iqtata'a min al-ardi shibran » quiconque coupe une partie, une distance de la terre équivalente à une main. Shibr. C'est un exemple. Même si c'est plus petit que ça, ça va être compté aussi. Donc, c'est pour donner un exemple de quelque chose qui est petit, mais ça ne veut pas dire que c'est une limite en soi. Après, il mentionne l'explication du verset suivant dans Surat al-Mu'minun. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمِيزَانَ حِسِّيٌّ وَهُوَ كَذَلِكَ وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ إِنَّهُ لَيْسَ حِسِّيًّا ليس حسيا وليس هناك كفتان وإنما المراد بالميزان إقامة العدل فأنكروا ما جاء به القرآن صريحا وما جاءت به السنة صريحة أيضا بناء على أنهم يتلقون العقائد من عقولهم وكل شيء استبعدته عقولهم فإنهم ينكرونه ولا شك أن هذا غلط وأنه يستلزم لوازم باطلة كتكذيب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وتحريفهما إلى معان بعيدة إذن الميزان على ما نعتقد ميزان حسي له كفتان توزن فيه الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال حسب ما جاءت به النصوص. Donc le cheikh il explique ici, donc celui dont la balance sera lourde, alors ceux-là seront ceux qui auront le succès, tandis que celui dont la balance sera légère, en bonne action, eh bien ceux-là seront ceux qui se seront perdus eux-mêmes dans l'enfer pour y rester éternellement. Et le cheikh il dit, il y a dans ce verset une preuve que la balance est une balance réelle, une vraie balance concrète, et que ça vient réfuter ce que disent les Mu'tazila. Parce que les Mu'tazila, ils disent, c'est pas une réelle balance. Ils disent, c'est pas une réelle balance et elle n'a pas de plateau sur lequel on place les actions. Ils disent, c'est symbolique. Ils disent que la balance, c'est symbolique pour représenter la justice. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura réellement des balances pour peser les œuvres. Et le cheikh, il dit que eux, ils renient donc ce qui est explicitement mentionné dans le Coran et ce qui est explicitement mentionné dans la Sunna. Et pourquoi? Parce que eux, ils se basent pas sur la révélation pour établir leur croyance. Ils se basent sur leur logique. Ok? Et tout ce qui est contraire à leur logique, ils le renient. Tout ce qu'ils ne peuvent pas comprendre par leur raison, ils le renient. Et il n'y a pas de doute que ça c'est une erreur et c'est incorrect et que ça implique des implications qui sont totalement fausses. Et ça implique bien entendu de renier l'information qui vient d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam et de déformer les sens de ce qui est révélé vers des sens très très éloignés de la réalité de ce qu'il signifie. Donc c'est une méthodologie qui est inacceptable pour le croyant. Et donc la balance, comme nous le croyons, c'est une balance réelle, elle a réellement deux plateaux, et on va placer dessus les actions pour que ce soit pesé, ainsi que les livres des actions, et ainsi que les gens qui ont fait les œuvres eux-mêmes. Et tout cela est établi par les textes. Ensuite, l'explication du verset à la fin, le verset 104, dans Surat al-Mu'minun, تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون هؤلاء الكفار تلفح وجوههم النار ذكر الوجوه لأنها أشد ما يكون تأثرا ولأنها إذا عذبت الوجوه كان ذلك أذل بالنسبة للإنسان. C'est vrai, subhanallah. Le cheikh il dit, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que leur visage sera brûlé, il dit parce que leur visage sera le plus affecté par le feu, parce que lorsque le châtiment atteint les visages, ça c'est une des plus grandes formes d'humiliation pour l'être humain. Il n'y a pas une plus grande humiliation pour quelqu'un quand il est blessé ou châtié ou puni dans son visage. C'est vrai. Donc, même que quelqu'un, par exemple, s'il est blessé au visage. Hein. Tu peux être blessé dans ton bras, dans ta jambe, mais quand tu es blessé au visage et que tu es marqué, c'est pire que si tu étais blessé partout, nulle part ailleurs. Hein. Oui. Parce que après, tu regardes, quand tu te regardes dans le miroir, peut-être que tu te reconnais même pas. Hein. Et c'est pour ça qu'il parle des fois, les médecins parlent des transplantations de visage. T'as entendu parler de ça? Quand quelqu'un, son visage est complètement détruit, ils font des masques là, des fois, pour reconstruire la personne. Ça a un rapport. Tout ça, c'est pour dire que le châtiment qui touche le visage, ça, c'est qu'est-ce qu'il y a de pire pour les koufars? C'est l'humiliation. Et après, il dit dans le verset 160, dans Sourate Al-An'am, قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وهذا بيان كيف تكون الموازين فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهذا أدنى ما يثاب عليه المرء بالنسبة إلى الحسنة وإلا فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ولكن أدنى ما يكون أن له عشر أمثالها. Donc il dit le cheikh que cette balance qui pèse les œuvres, eh bien, elle pèse pas les œuvres, hein, comme par exemple une bonne action, ça vaut une bonne action. Non, elle pèse chaque bonne action comme si elle en valait 10. Chaque bonne action, elle la pèse comme si elle en valait 10. Tandis que chaque péché, il ne vaut qu'un seul péché. Ça, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne sera lésé. Hein? Personne ne sera lésé. Donc, le cheikh, il dit ça, c'est pour expliquer comment ces balances fonctionnent. Et en réalité, ici, dans le verset, c'est seulement une partie de ce que la balance peut faire. Hein, parce que dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la clarification que la récompense pour une hasana, ça peut aller jusqu'à 10 fois plus, ça peut même aller jusqu'à 700 fois plus, et ça peut être même des multiplier beaucoup plus encore. Hein? Et même que pour la patience, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab ». Ils vont recevoir leur récompense sans calculer. C'est-à-dire, tu ne peux même pas imaginer la quantité de récompense qu'il y a pour la patience et pour l'endurance. Mais le minimum que quelqu'un peut recevoir pour une hasana, c'est 10 hasanat. Hein? Donc ça montre la grâce d'Allah. Et il dit, « وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ مَا يُبْطِلُ الْحَسَنَاتِ فَإِنَّهَا لَا تَنْفَعُهُ مثل أن يرتد الإنسان والعياذ بالله فإنه لا تنفعه الحسنات ولو فعلها في الدنيا لأن الله تعالى قال من جاء فلا بد أن تكون الحسنات واصلة إلى الإنسان يوم القيامة وكذلك السيئات لأن الإنسان قد يعمل السيئة ثم يتوب منها فلا يكون قد أتى بها. Donc, il dit, le cheikh ici, qu'on sait que lorsque Allah dit, quiconque vient avec la bonne action, au jour de la résurrection, quiconque vient avec le péché ou la mauvaise action. Donc, pourquoi il dit ça? C'est parce que c'est possible qu'il y a des choses que la personne ait fait qui annulent ces hasanats-là, même s'il les avait faites dans la dunya. Donc, il ne va pas pouvoir les amener au jour de la résurrection. Hein? Et donc, si quelqu'un, par exemple, a apostasié de la foi, voilà, a'azou billah, hein, ces hasanats ne vont pas lui profiter, même s'il les avait faites dans la dunya. La même chose pour celui qui, a, pour une raison quelconque, annulé des œuvres qu'il a faites. Tandis que s'il les ramène au jour de la résurrection pour qu'elles soient placées pour lui sur cette balance, alors dans ce cas-là, il aura cette action-là calculée pour lui. Tandis que la même chose aussi pour les péchés, c'est possible que quelqu'un fasse un mauvais péché, une mauvaise action, hein, une seiya, et puis qu'il se soit repenti de cette mauvaise action-là, alors dans ce cas-là, il ne va pas l'amener au jour de la résurrection sur la balance. Hein? Il ne va pas être calculé. Ensuite, le cheikh, il dit « وَنُؤْمِنُ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً » Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, parce qu'on rentre maintenant dans le sujet de l'intercession. Donc, on va en parler plus en détail au prochain cours, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته